Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la troisième saison de 2 septembre à juin qui se consacre à l'école dans la ruralité. Aujourd'hui, nous recevons Perrine Agnew, qui est maîtresse de conférences en sociologie à l'INSPE, l'Université Lyon 1, et chercheuse au centre Max Weber. Elle a réalisé une thèse portant sur l'entrée dans la vie adulte des jeunes femmes de classe populaire dans les espaces ruraux en 2022, au cours de laquelle elle a enquêté sur des filières féminisées de l'enseignement professionnel. Elle travaille sur la dimension spatiale des parcours scolaires avec une attention aux rapports sociaux de genre et de classe. Nous accueillons aussi Ludivine Barbier, qui est enseignante en lycée professionnel en milieu rural dans l'Académie d'Amiens. Sébastien Blanquet, qui est directeur d'école à Arudy dans l'Académie de Bordeaux. Julie Goubet, qui est chef du pôle ambition et persévérance scolaire de l'Académie de Bordeaux et coordinatrice académique de la mission lutte contre le décrochage scolaire. Blandine Laborde, qui est enseignante d'art plastique dans l'Académie de Bordeaux. Christelle Poilane, qui est chef d'établissement en grande ruralité dans l'Académie de Poitiers. Clément Reversé, qui est maître de conférences en sociologie à l'Université UT2J, qui est chercheur à l'Utopie. Ses travaux portent sur les jeunes vulnérables et invisibilisés, notamment à l'aune des territoires. Et en 2025, il a publié La vie de Cassos, jeunes ruraux en survie. Et Nathalie Roélan, qui est chef d'établissement en lycée professionnel, précédemment dans un collège et un lycée en milieu rural dans l'Académie de Bordeaux. Bonjour à tous. Ma première question, c'est comment peut-on définir la ruralité, et est-ce qu'il y a une ou des ruralités? Perrine? Oui, alors bon, la ruralité, elle est définie par l'INSEE comme l'ensemble des communes qui sont peu denses, très peu denses. Donc c'est voilà 88% des communes, un tiers de la population française, mais ça va recouper en fait des espaces qui sont très hétérogènes du point de vue de la densité, du point de vue aussi de l'éloignement des grandes agglomérations, de l'économie. On a des campagnes qui vont plutôt être des campagnes industrielles, agricoles, touristiques, des dynamiques démographiques aussi, avec des campagnes qui sont plus attractives en fait que d'autres, et puis des groupes sociaux présents qui vont pas forcément être les mêmes. Mais au-delà de ça, et puis Clément complétera peut-être, en fait, il y a des traits qui sont communs quand même à ces espaces ruraux, malgré cette hétérogénéité. Et qui peuvent avoir aussi des effets sur la scolarisation. Parmi ces traits communs, il y a la question des groupes sociaux justement en présence, avec en moyenne une surreprésentation des classes populaires, donc des ouvriers, employés, et une sous-représentation au contraire des classes supérieures. Ça, c'est associé aussi à un marché du travail local qui est singulier. Qui joue aussi sur la projection qu'on va avoir localement, qui est d'ailleurs aussi particulièrement inégalitaire en termes de genre. Donc ça peut aussi avoir des effets. Et puis un éloignement donc dans l'ensemble de services et aussi de l'offre de formation qui reste très concentrée dans les grandes agglomérations, en particulier l'offre de formation supérieure. Et peut-être juste un dernier point sur les traits communs, c'est qu'il y a un degré élevé d'interconnaissance aussi dans des espaces ruraux. Donc ça ne veut pas dire que tout le monde se connaît, mais que en fait, on est moins certain d'être anonyme quand on circule sur la scène publique. Et puis ça peut avoir des effets aussi dans le cadre scolaire, cette interconnaissance plus élevée. Merci, Clément. Perrine a un petit peu tout dit, mais effectivement, il y a une représentation très très froide qui est celle de l'INSEE, finalement, qui dit que c'est une faible densité de population. Et ensuite, il y a un ensemble de représentations pour lesquelles il faut avancer avec prudence quand on les mobilise. On peut penser notamment à l'agriculture, mais qui en fait est une activité qui est certes dominante en milieu rural par rapport aux villes, évidemment, mais qui prend pas l'ensemble de l'activité du tout. La question de la nature, de la beauté des paysages. visage, etc. Et comme l'a dit Perrine, en fait, c'est des réalités qui sont très différentes entre vivre au milieu des Alpes, sur la côte atlantique, ou en Creuse ou en Corrèze. On a un ensemble de réalités qui sont effectivement unies par ces questions de faible densité de population, de distanciation, d'une offre de services particuliers, et effectivement d'interconnaissance, où on a des enjeux liés à la réputation notamment, qui sont particulièrement forts dans ces territoires. Merci. Alors souvent, les élèves en milieu rural sont ensemble, soit jusqu'à la fin du primaire, soit jusqu'à la fin du collège. Qu'est-ce qu'il y a comme avantage et comme inconvénient, que ce soit en termes pédagogiques ou justement en question de réputation dont tu parlais? Bah, du coup, Ouais. sur... Pardon, je me lance ou il y Oui, a d'autres personnes? non, j'ai juste ton prénom, Clément. Vas-y. D'accord. Oui, bah, sur la question de formation, effectivement, on remarque qu'il y a une surreprésentation de filières un petit peu plus courtes qui sont mobilisées, un petit peu plus professionnalisantes. Je pense qu'une mauvaise lecture, ça serait celle de croire qu'il y a un retard culturel, voire intellectuel dans les territoires ruraux. Au contraire, il y a notamment les petites écoles qui ont un effet tampon sur certaines difficultés qu'ils pourraient avoir parce que, comme l'a dit Perrine, on a une composition socio-économique qui est plus populaire. À côté de ça, c'est une correspondance qui est assez logique pour les jeunes sur le choix de la formation entre souvent territoire, formation et emploi. On sait très bien que se former quelque part, c'est pas seulement choisir une filière qui nous intéresse, mais c'est aussi choisir un avenir professionnel. Et si l'avenir professionnel existe ou s'il n'existe pas sur le territoire, ça va avoir des répercussions sur le fait de devoir quitter sa famille, notamment de devoir partir ou non, tout simplement rompre avec parfois son petit copain, sa petite copine après le lycée. Et donc la formation est pas seulement un choix finalement de carrière et par rapport à un intérêt particulier, mais elle est aussi limitée par l'offre de formation locale et la question de la mobilité qui vient après. Nathalie? Concernant le fait de se connaître depuis tout petit et de rester ensemble jusqu'à la fin du primaire ou du collège, bon, il y a deux aspects, hein. Souvent, c'est perçu par les équipes enseignantes notamment comme la possibilité de permettre de bien connaître les jeunes, de bien connaître leur dynamique au sein du groupe, de bien connaître les familles, donc une plus grande continuité aussi et donc une meilleure prise en charge du jeune en tant que jeune, au-delà de sa dimension vraiment stricte d'élève. En revanche, ce qu'on observe aussi, c'est parfois justement ce manque de brassage qui fait que certaines dynamiques parfois toxiques peuvent se perpétuer et s'installer dès le plus jeune âge, puisque parfois on a dans des tout petits établissements, dont on a l'exemple en Vallée d'Ossau avec les collègues qui sont présents aussi. Bah, par exemple, une seule classe de la maternelle à la troisième. Donc, l'impossibilité, justement, de brasser les groupes et de briser, en fait, des dynamiques qui peuvent être à l'œuvre parfois de façon et s'exprimer de façon très douloureuse pour certains jeunes. Merci, Blandine. Blandine, il faut que tu mettes ton micro. Voilà, on m'entend? Pardon. Oui, donc j'ai rebondi sur ce que disait Nathalie, parce que je rentre justement d'une réunion parents-prof au petit collège de la Reims. Donc une classe par niveau, 25 élèves par classe qui sont ensemble depuis la maternelle. Il y a un tout petit brassage parce qu'il reste des petites écoles, mais c'est des classes uniques. Donc en fait, c'est l'affaire de deux ou trois élèves qui se retrouvent au collège. Et sans même parler de toxicité, etc., là, c'était la mère d'un élève qui va très bien, qui est très inséré, qui se sent bien au collège, mais on a parlé d'orientation en seconde, et ce jeune, il souhaite pas aller dans le lycée de secteur, parce qu'en fait, il n'en peut plus de voir les mêmes têtes depuis toute cette année, alors qu'il est très heureux, il fait la section montagne, il va faire du ski deux fois par semaine, enfin. Vraiment, il y a un moment aussi, une forme d'enfermement où je crois que les jeunes ont besoin de se libérer. Et la question qui se pose, c'est comment on fait pour aller ailleurs dans le lycée de secteur? Et là, c'est pas toujours simple. Voilà. Merci, Ludivine. Alors, moi, j'aurais voulu aussi rebondir par rapport au propos de Clément. Au départ, il n'y a pas que les enjeux de réputation. Et puis, ce que Perrina nous disait également sur le fait que c'était quelque part une interconnexion un peu permanente. Moi, je suis en milieu rural, dans un petit lycée, et en plus en lycée pro. Et en fait, j'ai pas seulement les élèves qui se connaissent depuis la maternelle, j'ai aussi les élèves qui se connaissent parce qu'ils sont issus de la même famille. Donc, j'ai les cousins, j'ai les tontons, j'ai les tatas. Et ça, en fait, ça joue aussi dans le choix de l'orientation. Où en fin de compte, on va avoir un élève qui va s'orienter aussi en fonction de ce que la famille connaît. Je pense qu'on aura le cas à un moment donné de parler de l'orientation, mais ça aussi, ça joue. Et ça joue d'autant plus que voilà, dans des petites structures où on n'a qu'une filière ou qu'une section ou qu'une classe par niveau, quand on est sur des groupes qui s'entendent bien, bah, c'est super parce que ça s'entend très bien. Et puis parfois, quand on est sur des groupes, ça s'entend moins bien. C'est compliqué de casser des dynamiques parce que justement, ben on est la seule classe à pouvoir proposer ça, quoi. Merci, Christelle. Moi, je rejoins tout ce que les collègues ont dit. Et puis, dans le pratico-pratique, de plus en plus d'influence aussi sur la constitution des classes, même si on reste autonome, mais on a envie que nos élèves se sentent bien, qu'ils se retrouvent dans le groupe classe. Alors, on fait attention à qui on met dans le groupe classe, etc. Donc, on sent bien les fratries, les liens très forts qui se nouent entre les élèves. Et puis, parfois, parce que le collège, c'est aussi ça, d'autres affinités se créent. Et puis, les amitiés se font, se défont, et on a quand même des jeunes qui sont en souffrance. Donc voilà, c'est le petit bémol à ces groupes d'élèves qui se connaissent depuis le primaire, si ce n'est avant. Alors, du coup, vous avez évoqué la mobilité des élèves qui peut se faire aussi alors que tout va bien parce qu'ils veulent aller ailleurs. Comment est-ce que les enseignants et les enseignantes travaillent sur la mobilité des élèves? Nathalie? Oui, donc, alors paradoxalement, en milieu rural, donc moi j'ai exercé en collège, et en fait, il y a quelque chose de. Enfin, moi, que j'avais pas senti au départ, enfin, j'avais pas vu venir, c'est qu'en fait, la question de la mobilité, elle est induite dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que, par exemple, les jeunes d'érudit savent très bien qu'au lycée, il n'y a pas de lycée juste sur place, il est à 20 km, au lycée, ils partent en internat. Donc ils sont donc le package, on va dire, donc que ce soit lycée général, il est à 20 km, ou lycée professionnel qui peut être beaucoup plus loin, au final, paradoxalement, la question de la mobilité, elle est quasiment évacuée. Je parle de mobilité géographique, après la mobilité en termes de projection sur le projet d'orientation, on a encore c'est encore autre chose. Mais en tout cas, la mobilité géographique, ils savent très bien, justement, parce que les cousins, les grands frères, etc., les parents aussi, eux-mêmes, sont partis en internat dès la seconde. Ils savent très bien qu'à 14 ans, ils quittent le foyer familial, au moins pendant la semaine, pour intégrer l'internat. Donc ça, c'est vraiment aussi un levier sur lequel on peut s'appuyer, puisque de toute façon, ils ont intégré qu'ils partiraient et qu'il y aurait un internat à la clé. Donc ça, c'est plutôt un élément favorable. Oui, on parlait bien de la mobilité géographique. Et du coup, bah, je pose la question en général et à Perrine, parce que tu vas parler après. Est-ce qu'ils ont intégré? Est-ce que c'est facile pour eux de se dire on va se déplacer ou pas? Perrine? Oui, moi j'ai plutôt travaillé sur des lycéennes, donc l'enjeu va pas être forcément le même, puisque en fait la mobilité pour poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, ça va souvent nécessiter en fait une décohabitation dans les espaces ruraux, si cette décohabitation n'a pas déjà été faite en effet pour l'entrée au lycée avec l'internat. En fait, il y a plusieurs dimensions qui jouent, c'est-à-dire qu'il y a à la fois du côté de la famille. Et ça, Yaël Anselme-Mainguy l'a aussi pas mal souligné dans ses travaux sur les jeunes femmes de classe populaire dans les espaces ruraux, des familles qui, en particulier, vont beaucoup compter sur les filles dans leur organisation domestique, Ce qui fait que parfois, dès le lycée, en fait, pour une fille, partir à l'internat, c'est pas évident parce qu'à la fois, bah, c'est s'éloigner de son lieu de vie, mais aussi, en fait, perturber l'organisation familiale qui parfois repose, en particulier sur les filles de la fratrie qui vont garder les petits frères et sœurs, etc. Donc, il y a cette question aussi de la socialisation familiale, c'est-à-dire voilà, la transmission en fait de normes au sein de la famille, avec aussi souvent une représentation en fait des possibles professionnels et puis en termes de formation qui se fait beaucoup par rapport à ce qu'on a dans l'espace local, du fait de l'influence qu'on va avoir par rapport aux proches qui vont exercer telle ou telle activité. Et puis si on se projette en fait aussi dans cet espace-là, on va pas forcément avoir intérêt aussi à partir pour faire des études supérieures qui seront sans lien en fait direct avec le marché de l'emploi local. Donc voilà, moi pour parler de ces jeunes femmes-là de classe populaire, il y a plutôt un attachement au contraire qui va se faire en fait au territoire d'origine, qui se fait par la famille, mais où l'école en fait va aussi au lycée pro jouer un rôle, puisque en fait elles vont être préparées à occuper des positions professionnelles sur le marché de l'emploi local. Donc, alors qu'on pourrait penser qu'il y a une forme d'injonction à la mobilité qui viendrait de l'école, en fait c'est plus nuancé que ça. Et si les enseignantes vont essayer d'ouvrir en fait à d'autres espaces les élèves, par exemple via les voyages, en leur apprenant d'autres manières en fait de circuler, l'usage des transports en commun, pour les préparer aussi à pouvoir partir si elles le souhaitent. En fait, la structure de la formation en lycée professionnel fait souvent que c'est dans l'espace local en fait que les élèves, les étudiants, si elles poursuivent des études, vont se projeter, compris sur les formations courtes en fait du type BTS par la suite. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Merci. Ludivine? C'est on ne peut plus clair, c'est même carrément transparent, c'est exactement ce qu'on vit nous. Moi, je suis pas dans un rural profond, puisque le lycée où j'enseigne, il y a quand même 5 000 habitants dans la ville, ce qui n'est pas rien. Ceci dit, il y a ce qu'on appelle nous l'orientation du bus. C'est-à-dire qu'ils ne se posent pas la question de savoir ce qu'ils veulent faire, ils se posent la question de savoir ce que le lycée le plus proche propose comme formation. Et effectivement, si le lycée le plus proche est à 20 km et qu'il faut envisager de l'internat, je pense que dans ce moment-là, ils envisagent l'internat. Mais si le lycée le plus proche ne nécessite pas forcément pour eux d'être interne, en fait, ils vont le choisir. C'est même pas par défaut, c'est juste une absence de volonté de mobilité. Et après, nous, tout notre travail, chez les jeunes filles, mais aussi chez les garçons, ça va être de travailler ça, cette appétence justement à la mobilité, au champ des possibles, au fait qu'il existe un ailleurs, et surtout qu'il est possible d'aller se former ailleurs et de revenir après. Il y a parfois chez nos élèves le sentiment que s'ils partent, il y a un petit peu un conflit de loyauté là qui se met en place avec la famille, et comme si toute sortie était définitive, alors que non, pas du tout. On peut aller se former ailleurs, en milieu urbain, c'est possible aussi, c'est pas si dramatique, et puis revenir après près du domicile familial, et puis pouvoir exercer une activité professionnelle. Mais c'est vraiment ça, c'est très ancré. Alors, je ne sais pas si nous on est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est assez ancré, cette orientation du bus, où en fin de compte on va choisir ce qui va permettre à la famille d'être le moins embêtée possible. Je sors de la maison, je vais à l'arrêt de bus, le bus il me conduit au lycée, peu importe la formation, je vais réussir à me débrouiller ensuite, et puis je pourrai continuer à apporter et avoir le rôle que j'ai dans la famille, si je suis la personne qui gère les petits, si je suis la personne qui soutient pour les travaux extérieurs. Voilà. Nous, on a plutôt ce sentiment-là où la mobilité, elle n'est pas prise en compte, en fait. Elle est au contraire évacuée, mais dans l'autre sens, en fait. Merci beaucoup. Blandine? Oui, moi je voulais rebondir sur l'aspect favorable de l'internat, qui est effectivement le fait que les élèves se projettent de toute façon dans un passage à l'internat après le collège. Ça, c'est favorable pour des élèves qui ont l'âge d'y aller, enfin, où il y a des internats proposés au lycée, mais par exemple, si on pense à des élèves plus jeunes qui auraient besoin de sections adaptées, puisque dans le collège, les collèges ruraux où j'enseigne, évidemment, il y a le minimum, hein, il n'y a ni même Ulysse, ni SECPA, et du coup, ça suppose de se déplacer, et là, ça devient beaucoup plus difficile, en fait, et les choix d'orientation des plus jeunes et des élèves, des populations plus fragiles ou d'élèves en difficulté, du coup, peuvent être gênés par ça, et ça, c'est quand même un vrai gros souci. Cela dit, je voulais rebondir sur la question de la mobilité du bus, puisque avant d'être là, j'étais en ville et j'avais exactement le même problème, c'est-à-dire qu'il fallait que le lycée, l'orientation se décidait en fonction du nombre d'arrêts de bus qu'il y avait entre le collège et le lycée, quoi. Donc, et c'était un maximum. Enfin, vraiment, l'idéal, c'était de pouvoir rentrer à midi, manger, etc. Donc ça, je pense qu'on le retrouve aussi dans les centres-villes ou dans les quartiers. Dans les quartiers périurbains qui sont bien, où il y a de quoi s'orienter, mais en tout cas, la préférence va aller au lycée le plus proche. Voilà. Merci. Julie? Sur cette question de mobilité, je pense que c'est important justement de travailler la question de l'amont, c'est-à-dire ce qu'on s'est dit sur la question de la projection qui n'est pas forcément liée au projet en tant que tel. C'est vraiment ce que disaient les collègues sur l'ouverture des possibles et juste savoir que ça existe pour pouvoir s'autoriser à et être accompagné. Donc là-dessus, il y a tout ce qui peut être fait, notamment en termes de cordée de la réussite et d'internat d'excellence pour les jeunes au niveau des collèges. Donc il y a bien c'est par partenariats-là qui peuvent exister, mais pour les jeunes qui, pour le coup, n'ont pas forcément le choix de l'internat, bah, il y a aussi la question de l'amont et la question de l'accueil aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qui est fait réellement pour faire en sorte que ces jeunes qui arrivent dans les internats se sentent bien. C'est très bête, mais c'est la question de la transition, c'est-à-dire comment on passe d'un environnement à un autre et comment, quelque part, on prend collectivement en charge cette question-là pour que bah, ces jeunes-là puissent se sentir bien dans ce qui va être leur quotidien pendant un certain temps. Merci beaucoup, Sébastien. Oui, alors moi j'interviens avec des enfants qui sont en élémentaire, donc qui sont un âge plus jeune que les vôtres. Mais on retrouve ça notamment au niveau de la modélisation de l'entourage par rapport au métier. Quand on fait des questionnaires, quand on fait des recherches pour savoir quel métier ils aimeraient faire plus tard, on voit qu'en fait le champ des possibles est très restreint. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à travailler. Parce que les offres des territoires sont souvent restreintes. Mais effectivement, après, c'est quelque chose qui les suit. Donc, je sais que dans les lycées, Nathalie, Roland, notamment, fait des parcours là-dessus avec des journées métiers, mais c'est presque quelque chose qu'on devrait faire, nous, dès l'élémentaire, c'est-à-dire ouvrir le champ des possibles au niveau des métiers. Parce qu'après, cette fonction modélisante de l'entourage, je pense qu'on la retrouve au collège et puis qu'elle les suit. Et avec l'effet groupe qui est très important, dont on a parlé aussi tout à l'heure, et générationnel. Voilà, c'est tout ce que. Par rapport à des enfants plus jeunes, on est déjà sur ces problématiques-là. Merci, Christelle. Alors, dans la colline Poitiers, on fait quand même un travail très appuyé au niveau du parcours à venir. Et puis, au niveau de l'établissement, on décide de parler et de vive mobilité sur tous les temps de l'élève. Ça peut être l'UNSS, mais aussi c'est pendant le temps en entreprise, parce que du coup, on fait le choix d'aller en entreprise plusieurs fois. Et puis, quand on va en entreprise, eh bien, on pose la question de la mobilité, c'est-à-dire comment elle rayonne en local, en national, en international. Et si je fais une partie de cette entreprise, si je l'intègre, quelles opportunités elles m'offrent. Et les enfants sont rassurés et peuvent être aussi surpris parfois. Merci, bah vous avez commencé à l'aborder parce que forcément c'est lié. Donc on a commencé sur la mobilité géographique et nécessairement on parle d'orientation. Du coup, comment on travaille l'orientation avec les élèves qui sont à l'école en milieu rural, justement pour ouvrir ce champ des possibles, pour reprendre les mots de Sébastien? Et est-ce qu'il y a une différence entre les filles et les garçons, Ludivine? Et je dirais qu'on ne travaille pas seulement avec les élèves, on travaille aussi avec les parents. L'orientation, dans beaucoup de cas aussi, elle peut être freinée par des parents et par leurs appréhensions par rapport à la mobilité, au fait de devoir s'en aller, bouger. On en a déjà parlé, mais l'orientation, on la travaille avec les parents, avec les élèves forcément, mais aussi avec les parents. Ça va être des choses toutes bêtes, mais ça peut prendre parfois plusieurs mois, plusieurs années même, pour qu'un parent puisse accepter que son enfant puisse avoir à bouger. Et ça va être organiser une sortie dans laquelle on va inviter les parents pour leur montrer que pouvoir prendre le car pour se rendre dans l'établissement qui va leur permettre de poursuivre leurs études, ça n'a rien de dramatique, qu'il en est au contraire tout à fait capable. Ça va être aussi un travail avec les élèves sur voilà, le fait de, comme disait là Christelle tout à l'heure, c'est le fait de bouger en fait. Toutes les possibilités qui vont nous être données d'aller bouger, de montrer que la mobilité, elle peut se faire même en milieu rural, ça, on va essayer de l'exploiter. Et puis, je pense qu'on ne va pas l'orienter de la même façon quand on est. Alors, en LP, on est sur des filières qui peuvent être assez genrées. Et j'envisage pas l'orientation de la même façon quand j'ai une classe à dominante féminine et quand j'ai une classe à dominante masculine. Parce que oui, il faut beaucoup plus de travail pour que les filles acceptent justement de rompre un peu les habitudes et de casser un peu les plafonds de verre et qu'elles acceptent elles-mêmes de bouger. Avant de pouvoir commencer à parler orientation. Mais l'international, par exemple, ça peut être aussi un biais pour travailler l'orientation, avec des programmes comme Erasmus+, ou ce genre d'opportunités qui peuvent être offertes à nos élèves. Ça va nous permettre de bosser, de travailler l'orientation. Et ça, ce serait plus facile à envisager, ça que tu dis, Erasmus+ à l'étranger, que finalement bouger en France? Parfois, c'est plus facile d'envisager pour eux de partir pendant 3 semaines, 4 semaines pour faire un stage à l'étranger en entreprise, plutôt que de devoir se rendre dans un lycée, dans une ville qui n'aura pas forcément une bonne réputation ou qui, d'après les parents, sera peut-être trop éloignée, provoquera trop de contraintes au quotidien. C'est chose toute bête, mais quand il faut que le jeune prenne le car à 6h30 le matin pour arriver 1 heure plus tard sur une gare routière, donc il est 7h30, c'est encore assez tôt pour beaucoup de choses. Et puis après, peut-être qu'ils reprennent un bus, un deuxième bus. Ça fait beaucoup de problématiques à envisager pour des parents, alors qu'en fin de compte, quand on leur propose voilà, un stage de 3 semaines, je sais pas moi, en Espagne, finalement, il y a une prise en charge qui va être faite, il y a quelque chose d'un peu plus rassurant. Et si on arrive déjà à partir de ça, pour après dire, bah, il a déjà réussi à faire ça, pourquoi pas envisager autre chose? Là, on arrive peut-être plus facilement à travailler. Merci. Blandine? Oui, concernant l'orientation, moi je vais parler de mon point de vue de prof d'art plastique, parce que par exemple pour les élèves qui ont des envies de filière artistique, il y a quand même une grosse différence aussi entre la ville et le milieu rural, c'est-à-dire que là où en ville on va avoir 3 lycées de secteur avec 3 offres de formation et des options artistiques, etc., mais en milieu rural, le lycée de secteur, il va pas forcément les proposer. Et voilà, et du coup, ça va être compliqué aussi de répondre aux attentes de formation de certains élèves. Et ça, du point de vue de l'enseignant, c'est un peu une frustration. Voilà. Merci Nathalie. Oui, moi je pense que tout ce qui relève de l'ouverture artistique, culturelle, multiplier les rencontres, enfin, casser le plafond de verre, ça commence aussi par là. C'est-à-dire justement abattre des cloisons. On parle beaucoup du plafond de verre, mais moi je crois beaucoup dans les cloisons de verre aussi, dont on s'aperçoit pas trop qu'elles sont présentes. Et en fait, tout ce qui va être sorti pédagogique, que ce soit la journée, les séjours, les partenariats culturels, les interventions, collège au cinéma, on a parlé, Sébastien parlait tout à l'heure de forum des métiers, etc. J'ai rencontré des vrais gens inspirants, avoir accès à la culture, à l'art, à la musique, à rencontrer des associations, etc. Tout ça, c'est aussi, au final, donner de la profondeur à la société et s'apercevoir qu'il y a plein de gens qui travaillent dans des champs complètement différents, qui exercent des métiers passion, etc. Tout ça aussi, c'est créer de l'envie chez nos jeunes, créer de, voilà, mettre la petite lueur dans l'œil là qui va bien. Et ça, c'est un moteur très puissant sur lequel on va pouvoir s'appuyer après pour surmonter en fait les obstacles d'ordre logistique, hein, du transport, de l'internat, etc., de tout ce qu'on a évoqué précédemment. Mais c'est vrai que avant tout, ouvrir, faire rencontrer, faire venir des gens dans l'école, faire sortir nos élèves de l'école et les amener sur voilà, le camp de Gurs, les archives départementales, le cinéma d'à côté, ou bien les emmener sur un séjour à Paris. Ça aussi, c'est justement contribuer à cette ouverture et à cette capacité à s'autoriser des choses qui ne sont pas forcément représentées dans le cadre familial, etc. Merci beaucoup, Perrine. Merci, c'était juste pour compléter sur la question des différences filles-garçons au niveau de l'orientation. Alors moi, dans la façon dont on va, en tant qu'enseignant, traiter d'orientation, puisque voilà, j'ai pas travaillé spécifiquement sur ces questions-là, mais déjà sur un peu le constat de parcours différenciés. Ce qu'on n'a pas forcément en tête, en fait, mais c'est que les filles, déjà, doivent faire avec une offre de formation professionnelle qui va être plus restreinte que les garçons, puisqu'en fait, les jeunes ruraux, déjà, vont majoritairement, enfin, vont davantage que les jeunes urbains à niveau scolaire égal vers la voie professionnelle. Or, en fait, cette voie professionnelle, bah, elle offre moins de diversité pour les filles. Alors, voilà, on pourrait se dire, voilà, c'est le reflet de stéréotypes, mais il y a aussi d'autres facteurs en fait qui vont contraindre les possibles professionnels pour les jeunes femmes. Ça, il y a le sociologue Clotilde Lemarchand qui a bien montré comment en fait dans les voies plus masculinisées, les femmes en fait elles peuvent rencontrer aussi des freins, y compris en fait sur l'accès à des lieux de stage quand elles vont être en lycée professionnel. Donc elles sont plus contraintes. Et puis après le bac, elles vont davantage partir. Si on parle des études supérieures, les filles en fait partent davantage des espaces ruraux après 18 ans que les garçons pour faire leurs études. Ça, c'est à la fois lié à cette offre de formation, y compris supérieure, qui est un plus limitée, à des parcours scolaires féminins qui sont plus longs, en particulier dans les classes populaires. Et en fait, bah, ça aussi, ça se retrouve dans les espaces ruraux. Et puis aussi, on peut penser que c'est un effet des inégalités de genre sur le marché du travail, puisque en fait, moi, dans mon enquête, j'ai pu voir que des filles qui avaient le bac ou même des diplômes post-bac étaient souvent dans des situations professionnelles plus précaires que des jeunes hommes qui avaient plutôt un niveau CAP. Donc, il y a aussi ces inégalités-là, en fait, qui peuvent jouer et inciter les filles à faire davantage d'études et davantage d'études supérieures. Et je voulais juste, par rapport à l'enseignement supérieur, parce que c'est vrai que là, on a aussi beaucoup parlé de la transition collège-lycée, mais il y a aussi lycée-enseignement supérieur. Enfin, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit sur la question de comment lever un peu des freins qui vont être plutôt d'ordre culturel ou des représentations, du symbolique. Il y a aussi des freins, malheureusement, et surtout sur l'accès à l'enseignement supérieur, qui sont aussi matériels. En particulier, voilà, quand on est, qui dit espace ruraux dit justement décohabitation, parfois manque de logement crous, donc devoir payer un logement étudiant, etc. Et du coup, bah là, ça demande aussi d'autres leviers, mais à d'autres échelles pour favoriser l'accessibilité à l'enseignement supérieur de ces élèves, en particulier issus des familles les moins favorisées économiquement. Merci beaucoup, Sébastien. Oui, mais du coup, ça fait suite à ce que dit Perrine. Moi, nous, ce qu'on retrouve, mais je pense que Clément va avoir plus de billes là-dessus, mais il y a des inégalités sociales qui sont exacerbées pour moi dans la ruralité. On voit ça, par exemple, par rapport à l'outil institutionnel que peut être le stage de troisième. En fait, on va effectivement avoir des catégories socioprofessionnelles aisées qui vont se munir de cet outil-là et qui vont permettre à leurs enfants d'en faire un tremplin. Et on se retrouve avec beaucoup, beaucoup d'enfants qui sont bloqués et pour qui l'offre de territoire ne permet pas de trouver des stages. Et nous, par exemple, en élémentaire, on a une demande forte de filles, notamment, pour venir faire les stages, ce stage de troisième en école, alors même que ce n'est absolument pas le but, puisque le but est une découverte professionnelle et qu'on peut imaginer que ce qu'elles vivent en troisième est à peu près la même chose que ce qu'elles vont vivre dans une classe de CM2. Et donc, voilà, Clément, peut-être c'est une question aussi. Ces inégalités sociales, socioculturelles, mais aussi socioprofessionnelles, qui exacerbent, je pense, qui sont exacerbées en milieu rural. Merci, Clément. Sur ces questions-là, notamment sur l'orientation, pour ma part, je travaille sur un public qui a décroché scolairement, des jeunes qui sont précaires et qui sont en dehors de l'institution. Ce qui ne veut pas dire pour autant que ils n'ont pas connu des orientations, mais en général, ils sont plutôt formés sous le cadre de la relégation. Moi, un terme qui est revenu plusieurs fois, c'était de dire faut orienter le jeune vers une formation où même lui, il pourra avoir diplôme. Sous-entendu, il est tellement mauvais qu'en fait, faut trouver quelque chose sur lequel on peut l'insérer. Et il y a des stratégies qui étaient parfois proposées, c'était de créer ou de surinterpréter un peu l'offre limitée pour orienter le jeune vers telle ou telle formation. Disons, il n'y a pas grand-chose sur place, donc il va falloir que tu choisisses et tu devrais faire tel CAP. À côté de ça, effectivement. Comme ça a été déjà dit, il y a cette question de la mobilité, déjà des représentations des villes. Encore une fois, moi je suis sur une population très particulière dans les territoires ruraux, mais il y a une grande inquiétude dans le fait d'aller à la ville. Moi j'ai des jeunes qui vivent à Ruffec, en Charente, qui me disent qu'ils sont tétanisés à l'idée de se faire poignarder à Angoulême, qui est pour eux une grande métropole dangereuse. Et à côté de ça, ce que j'ai pu observer, c'est des discours sur les voyages scolaires qui ont réussi à atténuer certaines appréhensions, certaines anxiétés par rapport au fait de bouger. Mais comme on l'a dit, en fait, le fait de partir faire des études, eh bien, ça implique d'avoir un logement, de pas avoir de personnes ressources sur place. Et à ce niveau-là, je pense que la ruralité a tendance à amplifier ces inégalités, ou peut-être faudrait penser dans l'autre sens, c'est plus que le système de formation, qui est un système notamment dans l'enseignement supérieur qui est autour de grands pôles urbains pour la plupart du temps, fait que ces territoires, on impose à ces jeunes en tout cas des choix qui sont pas forcément les mêmes que lorsque l'on est un jeune en ville, et encore moins lorsqu'on est un jeune qui a des capitaux économiques, culturels, symboliques, etc., qui peut mobiliser. Merci, Perrine. Oui, c'était juste pour rebondir aussi sur, sur ce qu'a dit Clément, auquel je souscris complètement. Et puis Sébastien, sur cette question de ruralité qui exacerberait en fait les inégalités liées au milieu social. La mobilité aussi, là on parle beaucoup de mobilité longue distance et puis de décohabitation éventuelle ou pour aller à l'internat. Il y a aussi la mobilité au quotidien. Et c'est vrai que sur la question des stages, alors qu'il se pose en particulier en lycée professionnel, il y a aussi souvent les élèves qui sont dépendants de parents pour les conduire en fait sur les lieux de stage. Et ça, en fait, j'ai pu observer comment c'était aussi un facteur d'inégalité important entre les parents en fait qui vont être véhiculés, ceux qui vont avoir des horaires de travail en horaires décalés, qui vont faire qu'ils vont pas forcément en fait pouvoir conduire leurs enfants sur les lieux de stage, et que c'est du coup ils vont être beaucoup plus captifs d'un petit nombre de lieux de stage. Et puis au-delà de ça, il y a les questions des réseaux aussi, d'interconnaissances qui peuvent favoriser l'accès aux bons stages et qui ensuite vont favoriser l'accès à certains emplois, puisque les stages peuvent être des tremplins aussi pour l'accès à l'emploi. Donc il y a aussi de ce point de vue-là des inégalités qui vont pouvoir se créer. Et tout à l'heure, vous parliez aussi de la, alors je sais plus exactement qui, plusieurs personnes, des parents, justement, et dans l'orientation, le fait qu'ils puissent être inquiets de laisser partir leurs enfants, ou peut-être qu'ils aient besoin d'eux. Comment, enfin, quelle est l'influence? Est-ce qu'il peut y avoir aussi des conflits de loyauté? Sébastien, tu parlais des modèles de métiers possibles. Et comment est-ce qu'on travaille différemment plutôt la coéducation dans le milieu rural du fait de la distance géographique aussi? Voilà. Donc, quel est le rôle ou l'impact, enfin, le rôle des parents dans l'orientation et comment on travaille la coéducation? Julie? Au micro. Je disais que cette question, elle est intéressante parce que, pour le coup, cette question de la distance, on l'a tous vécue à un moment ou à un autre via le Covid, en fait. Et ce qui nous a permis, en fait, de garder le lien, bah, c'est les échanges qu'il y a pu y avoir, finalement, pas forcément formels, entre les établissements scolaires et les parents. Et sur cette question de la coéducation, au niveau des recherches, notamment de Pierre Perrier, qui a beaucoup travaillé sur le lien entre l'école et ce qu'il appelle les parents invisibles, mais qui ne le sont pas. Je vous invite vraiment à lire ses travaux. Et également, le travail qui a été fait en 2018 par une association qui s'appelle ATD Quart Monde sur la grande pauvreté. L'orientation. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement, ce qui fonctionne plutôt bien, c'est des choses très simples dans la prise de contact qu'il peut y avoir avec les établissements, entre les établissements et les parents. On n'en est même pas là à parler finalement des projets ou de bouger, mais passer déjà par ce premier contact-là, c'est quelque chose qui est assez important et qui permet, à mon sens, de recréer quelque chose qui est très important à l'heure actuelle, c'est le lien social qu'il peut y avoir entre ben, finalement deux lieux de vie géographiquement ben, situés finalement et qui va recréer du lien entre les personnes, mais aussi au niveau intergénérationnel. Justement, peut-être dépasser ce qu'on se disait en tout début de ce qu'on des représentations qu'on pense avoir de telle ou telle personne. On essaye de recréer du lien par des choses qui sont assez simples. Merci Nathalie. Oui, moi, au fil de nos échanges, j'ai pas mal de questions en fait qui émergent et la principale étant probablement celle-ci. Moi, à l'heure actuelle, donc j'ai fait deux établissements en milieu rural. Très rural. Et là, à l'heure actuelle, je suis en lycée professionnel entre deux quartiers politiques de la ville, donc deux salles, deux ambiances. Pour autant, les lignes de fracture là, qui sont évoquées depuis le début de nos échanges, moi, m'amènent à vraiment à questionner, en fait, est-ce que la problématique, c'est vraiment quelque chose de spécifique autour de la ruralité? Ou est-ce qu'on n'est pas sur. Parce qu'on retrouve des caractéristiques communes, tant sur les filles-garçons, la question de l'ouverture à l'orientation, la question de la mobilité géographique et de la capacité à se projeter vers un univers social qui n'est pas le sien. La question que je me pose, c'est est-ce que la problématique, elle n'est pas plutôt de l'ordre du clivage social entre des familles très défavorisées. Voilà, enfin, moi, par exemple, dans mon lycée professionnel à l'heure actuelle, le truc assez rare, c'est que j'ai 50% d'externes. Donc, voilà, mes jeunes, ils viennent pour moitié minimum des quartiers hyper proches, hein, à moins d'un kilomètre. Comme ça, ils peuvent rentrer à manger le midi, c'est ce qui avait été évoqué. Et en fait, je retrouve exactement ce qui a été dit sur la difficulté à se projeter sur un éloignement après pour poursuivre la poursuite d'études en BTS, sur même la capacité à s'engager dans des études supérieures. Donc voilà, moi, ce qui me vient à l'esprit, là, au vu de nos échanges, c'est ça. C'est est-ce que au final, le marqueur, c'est la question de la ruralité, alors qui vient ajouter effectivement tout ce qu'on a dit autour de la distance. Mais pas que, parce qu'on a évoqué aussi, comme ça a été dit au tout début, la grande proximité, hein, notamment des écoles et des collèges avec les parents du territoire, parce que tout le monde se connaît, et ça, Sébastien et Blandine peuvent en témoigner. Mais est-ce que finalement, la ligne de faille, c'est pas vraiment la problématique de la difficulté sociale et de la vulnérabilité sociale? Merci beaucoup. Clément? Oui, ben, je vais reprendre notamment la lecture de qu'a Yael Amselem-Mangui, dont on parlait tout à l'heure et que je partage, qui est que en fait il y a des éléments de classe sociale, de milieux sociaux, de capitaux, ben, peu importe comment on le présente ou la lecture qu'on en fait, mais qui viennent en fait au-dessus d'autres problématiques. On a fait une enquête récemment où on travaille avec deux collègues, Rajiv Ramneora et Lana Dumas de Lage. On travaille sur quartier prioritaire de la politique de la ville en milieu très urbain et sur une zone rurale pauvre. Et en fait, quand on regarde les parcours de ces jeunes décrocheurs, finalement, ils sont marqués beaucoup plus par la proximité, même si un des rôles de la recherche, c'est aussi de trouver les points de divergence. Et donc, effectivement, on a ces particularités-là. Ce n'est pas la même chose d'être un jeune en milieu rural et d'être un enfant de bourgeois que d'être un enfant de prolétaire, d'ouvrier. Donc, effectivement, il y a ça. Ça ne veut pas dire que analyser le rural, c'est pas intéressant. Parce qu'il y a des éléments qui sont communs en territoire ruraux, effectivement, comme on disait, les rapports réputationnels, la distanciation, les rapports de genre, l'offre de formation, il y a tout un ensemble d'éléments, mais effectivement, moi je crois qu'il y a avant tout un rapport de classe qui vient s'imposer au-dessus de tout ça. Merci beaucoup, Blandine. Oui, moi je rejoins complètement Nathalie. Alors c'est rigolo parce que j'ai quitté le quartier populaire où elle était pour venir là où elle était à la campagne. Enfin, c'est croisé quoi. Et en fait, je suis 100% d'accord avec elle sur cette question. C'est pas une question de classe sociale, mais je dirais qu'en milieu rural, c'est la double peine en fait. C'est-à-dire que non seulement on est un peu conditionné par sa condition sociale, mais en plus nous, en termes de ressources locales, en tant qu'enseignants ou personnel d'éducation, eh ben on a 1 000 fois moins de ressources qu'il peut y en avoir en centre-ville. Que ce soit culturel, que ce soit pour la culture scientifique, à chaque fois, il faut prendre un bus avec les dépenses que ça implique et les difficultés à boucler un budget. Cela dit, comme j'habite dans le lieu où je travaille, depuis que je suis là, j'ai quand même découvert, je rencontre plein d'habitants que je ne connaissais pas et des gens qui sont aussi très actifs. Et donc, je pense quand même qu'il y a la possibilité de trouver des ressources locales. Bon, moi, évidemment, c'est des artistes, hein, mais j'arrive à nouer des liens avec des artistes locaux, à faire des rencontres, à leur montrer qu'on peut avoir une activité intellectuelle en vivant dans le milieu rural, aller visiter les ateliers. Le seul petit bémol, c'est que tous ces artistes sont vraiment très sympas parce qu'ils nous accueillent souvent gratuitement, dans la mesure où bah, on ne va pas avoir les structures associatives ou institutionnelles qui permettent de trouver des financements comme le Pass Culture ou des choses comme ça. Donc voilà, mais il y a une forme de, comment dire, de solidarité à trouver dans les ressources locales, et même des fois des choses auxquelles on ne pense pas, mais tout simplement une médiathèque, on peut faire plein de choses avec. Voilà, faut pas désespérer. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un double enjeu, à mon avis, pour les populations les plus fragiles socialement. Merci Julie. Je suis tout à fait d'accord avec ce que les collègues disent et je trouve que ça reflète assez bien le travail qui peut être mené, notamment par les coordonnateurs de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, qui vont vraiment essayer de travailler sur un accompagnement individualisé ou en tout cas situé, on va dire, par rapport à toutes les problématiques qu'il peut y avoir, et notamment en termes de projet. Je suis sensible à ce que vous dites par rapport aux ressources qu'il peut y avoir. C'est des structures qui sont souvent mobilisées. Je pense notamment à des projets qui peuvent se faire avec bah, le café théâtre du coin, ça peut être le cinéma, et on va essayer de s'appuyer un petit peu sur tous ces projets et de s'appuyer là-dessus. Et ce que je disais, c'est qu'il y a aussi cette question de travailler avec les ressources qu'il peut y avoir pour recréer du lien. Je disais du lien aussi intergénérationnel, et on a des collègues qui travaillent aussi sur cette dimension. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça peut lever aussi les représentations qu'il peut y avoir des deux côtés. Et dans cet accompagnement-là de proximité qu'il peut y avoir, ben, voilà, je trouve qu'on a, on a plein de choses à avoir et que ben voilà, le fait qu'on puisse avoir des personnels, c'est une chance dans l'Académie de Bordeaux qui sont en proximité des établissements et qui ben, sont là depuis un certain temps. Justement, ils arrivent à créer du réseau autour de ça et justement de s'appuyer sur tout ça pour pouvoir accompagner les jeunes. Et justement, tu parlais de décrochage scolaire, donc le décrochage scolaire en milieu rural, est-ce qu'il se manifeste différemment d'un milieu urbain? Ma question est un peu biaisée, s'adresse à Clément à qui j'en avais parlé, entre autres, mais pas que. Est-ce qu'il y a une différence entre les filles et les garçons? Quelles sont les causes que vous observez le plus? Est-ce qu'elles sont différentes? On a beaucoup parlé de l'orientation, évidemment, mais est-ce qu'il y a autre chose? Donc, quelle manifestation? Est-ce qu'elle est différente du milieu urbain? Parce que chez plusieurs d'entre vous, on a la double expérience. Est-ce que c'est différent entre les filles et les garçons? Et est-ce que vous voyez des causes un peu différentes du milieu urbain ou pas spécifiquement? Clément? Ça a été le sujet initial de ma thèse, donc j'ai quelques éléments à donner. Alors, sans que le décrochage soit complètement différent, il y a en général, dans les récits des jeunes que je rencontre, il y a une sorte d'amour, ou en tout cas de nostalgie qui est exprimée de la primaire. Et la transition, elle va être difficile avec le collège. On arrive dans une structure qui est plus grande, où on hiérarchise, on crée des premiers de la classe et donc on crée des derniers qui souvent, bah, finalement, sont les jeunes que je vais enquêter. Ça vient à une période spécifique en plus, l'adolescence, qui est une période où on construit son image de soi. Mais ça, c'est commun à tous les jeunes, hein, devoir venir tous les jours au sein d'une institution qu'on nous rappelle qu'on n'est pas bon, voire qu'on n'est pas désiré. Ça peut être assez difficile. Moi, j'ai des enquêtés qui m'expliquent, par exemple, que professeur principal leur dit de ne pas venir en rigolant, soi-disant, pour l'épreuve du brevet, en disant ça serait dommage, tu vas faire baisser la moyenne du collège. Donc symboliquement, c'est assez dur. Et donc petit à petit, il y a d'abord un désamour. Ils arrêtent d'aimer l'école. Ils se mettent plutôt en marge. Il y a peu de ce qu'on appelle les comportements externalisés, c'est-à-dire la rébellion contre l'autorité, l'absentéisme, et notamment le crescendo de l'absentéisme. Être absent de plus en plus souvent à l'école, c'est un marqueur en général d'un risque de décrochage. Et ces jeunes, bah, finalement, font beaucoup moins ça, ont plus des comportements intériorisés, une sorte de violence envers soi, qui est plus difficilement repérable. Et la plupart, en fait, quand je leur demande pourquoi, par exemple, ils sont pas absents, me disent, bah, déjà, il n'y a pas forcément grand-chose à faire, par exemple, Bourganeuf, à 9 h du matin, un mardi de décembre. Et en plus de ça, il y a ce contrôle social qui est de dire, bah, je suis sûr de croiser un voisin, un proche, une amie de la famille, etc., qui va demander pourquoi ton fils n'était pas à l'école. Et donc, je vais me faire engueuler le soir. Et donc, le décrochage, il est plus abrupt, très souvent, notamment beaucoup pour les garçons, motivés par une volonté d'insertion professionnelle. C'est se dire, en fait, c'est une voie d'accélération pour aller travailler plus vite. Je vais prendre de l'avance, moi, sur la voie professionnelle, et pendant que eux resteront à l'école, moi, j'aurai 2, 3, 4 années d'expérience professionnelle. Le fait est qu'aujourd'hui, sans diplôme, en milieu rural ou en milieu urbain, le constat est le même, qui est qu'on se dirige plus vers de la précarité que vers une avance effective. Merci Christelle. Pour compléter ou en plus, en tout cas, depuis quelque temps, je trouve que la question de la santé mentale s'invite aussi à la table, où j'ai des filles et des garçons d'ailleurs qui du jour au lendemain ont un certain mal-être et on n'arrive plus, en dépit d'énormes efforts et de dispositifs efficaces et qui fonctionnent, qui sont soutenants de tout un chacun, on n'arrive plus à les faire venir au sein de l'institution et du coup, petit à petit, au fil des jours, ils décrochent, ils perdent confiance et ils ont peut-être moins de chances d'arriver que leurs camarades. Et du coup, Julie, pardon, Julie, d'abord, ma question. Oui, du coup, justement sur cette question-là, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur la professionnalisation des équipes, sur cette question du repérage, pour essayer justement quelque part qu'on soit le plus nombreux possible, en fin de compte, à être au courant de ces questions-là, à être en capacité de pouvoir accompagner. Et encore une fois, on est, à mon sens, dans des questions très pratico-pratiques. De quelque part, plus on est nombreux à être sensibilisés à ces questions-là, et plus quelque part on peut se passer des relais. Ça évite que finalement, dans des équipes, on ait une ou deux personnes qui soient particulièrement sollicitées sur ces questions-là. Et on va essayer plutôt d'avoir un filet de sécurité et des personnes vers qui on va pouvoir diriger les jeunes sur ces questions de santé mentale. C'est très important aussi dans le repérage. Et puis, voilà, même si quelque part sur les questions de santé mentale, il y a des questions de soins qui vont pouvoir se poser dans un premier temps, il y a tout un panel de choses qui peuvent être mises en place au niveau des établissements si on arrive à les porter collectivement pour éviter de s'épuiser en interne des établissements. Blandine? Oui, au sujet du décrochage, moi, ce que je remarque là, depuis que je suis arrivée dans mon petit collège d'Arudy, c'est que les élèves qu'on repère décrocheurs ou déjà en difficulté à l'entrée en sixième, souvent parce que l'orientation n'a pas été possible en milieu adapté ou alors pour d'autres, tout un tas d'autres raisons, il peut y avoir plein de raisons d'environnement social, hein, souvent. En fait, dès la sixième, on va leur proposer une orientation en quatrième agricole, puisqu'il y a un lycée agricole à proximité qui accueille les enfants dès la quatrième. Et souvent, c'est des solutions qui attirent beaucoup et les enfants et les familles, parce que le côté lycée agricole doit avoir quelque chose de rassurant, de familier, sans doute. Moi, ça me pose question, parce que quand j'étais en ville, on proposait par exemple la classe relais. Et ensuite, on récupérait les élèves dans les établissements. Alors, mieux ou moins bien, je ne sais pas. Mais ça pouvait aussi permettre de passer un moment de vie un peu difficile ou de les accompagner. C'est vrai que moi, ça me pose question, ces orientations qui sont proposées très, très tôt, dès la sixième. Voilà, ça me paraît être bon, une question. Ludivine? Pour rebondir sur les propos de Clément, le souci qu'on a, effectivement, alors moi je trouve que c'est plutôt assez genré, plutôt des garçons qui vont être décrocheurs présents, donc ils font acte de présence, mais on ne peut pas travailler avec eux, il n'y a aucune volonté de se projeter en fait dans un quelconque avenir, que ce soit même un avenir perso. En fait, c'est bah non, j'ai pas envie, j'ai envie de rien. Et là se pose la question de la santé mentale. Et je trouve que là, c'est compliqué de pouvoir mettre des indicateurs et des curseurs. Alors quand on est sur des petits effectifs, comme ça peut être le cas parfois dans des classes de CAP où ils sont 10 ou 12 et que voilà, les équipes se connaissent bien, elles sont plutôt stables, on est un peu rompu à ce genre d'exercice et on peut trouver les signes précurseurs le plus tôt possible, mais ça devient très très compliqué quand on est sur des classes un peu plus nombreuses et où voilà, encore une fois, le jeune est présent, mais on n'arrive pas à trouver de l'appétence et dans aucune discipline que ce soit et même dans aucune ouverture, même culturelle, artistique, sportive. Là, ça devient assez compliqué. Merci Sébastien. Oui, moi je voulais revenir sur l'accès aux soins parce que ça, je pense que c'est un élément important aussi par rapport à la santé de nos élèves. Et c'est vrai qu'on a beaucoup plus de mal à avoir un accès aux soins. Évidemment, les rasettes sont dégradées comme partout, mais dans les établissements ruraux aussi. Et par contre, pour avoir accès à du soin libéral, ça c'est quelque chose de difficile, au-delà même des orientations qui sont difficiles, par exemple à l'ULIS, etc. Et du travail en partenariat avec les établissements. Par exemple, sur des CESAD, on va avoir des CESAD de ville qui ne vont pas venir sur des établissements de campagne parce que ça leur fait trop loin. Donc, en fait, sur la santé mentale de nos élèves, on a aussi, et on voit là sur les années qui se sont écoulées, avec la dégradation des RASET, bien évidemment, mais aussi le manque de partenariat possible en libéral, on a une dégradation de la santé mentale de nos élèves, de certains élèves, et pour qui on est assez démunis par rapport à des aides et des atouts possibles sur le territoire. Voilà. Julie? Sur la question de l'accueil tout à l'heure, on en parlait. Je pense que les premiers temps en fait de l'accueil en établissement, on l'a abordé avec la question des internats. Elle est hyper importante. Il y a notamment Lucie Bonnefoy qui avait travaillé sur les transitions entre le lycée et l'enseignement supérieur. Cette question, elle se pose finalement à tous les âges, école, collège, collège, lycée, de ce qui va se passer dans les 6 premiers mois, en fait. Et là aussi, je pense que c'est important en tant qu'adulte qu'on se rappelle ce que c'est d'arriver dans un nouvel environnement professionnel dans les 6 premiers mois et à quel point on peut être déstabilisé. Et finalement, il y a des choses là aussi qui peuvent être mises en œuvre pour faciliter cet accueil-là et justement laisser peut-être aux élèves le temps de s'acculturer, enfin de se faire à cet établissement-là pour éviter finalement que dès le premier trimestre, on se dise ben, ce que vous disiez, Ludivine, par exemple, ben là, pour le coup, on va essayer d'orienter plutôt vers la quatrième. Il y a des études qui ont été faites notamment pour l'enseignement supérieur où finalement, sur des cursus, je crois, d'école d'ingénieur ou quelque chose comme ça, on s'est rendu compte que un élève qui venait pas forcément de prépa intégrée, mais qui étaient passés par un DUT ou un BTS, au final, il leur faut justement ces fameux 6 mois-là pour que finalement les disparités qu'il peut y avoir puissent s'effacer. Et finalement, au bout du bout, on se rend compte qu'on ne fait plus forcément la différence entre quelqu'un qui a fait une école d'ingé prépa intégrée et un jeune qui est passé par un BTS ou un DUT. Donc, faut aussi qu'on se pose la question de quel temps on laisse finalement aux jeunes pour s'acculturer à ces nouveaux environnements et qu'est-ce qu'on va faire pour les accueillir très concrètement. Et je pense que c'est valable aussi de se poser la question pour les adultes qui vont arriver dans les nouveaux établissements, parce qu'on parlait de la santé mentale. Pour moi, on ne peut pas parler de santé mentale des jeunes si quelque part on a des adultes au sein des établissements qui ne se sentent pas forcément bien. Et donc voilà, sur cette question de la santé mentale, c'est là aussi un projet assez collectif à penser et qui peut être vraiment intéressant pour. Finalement, tous les habitants, entre guillemets, de ce lieu de vie. Du coup, est-ce que ce serait deux points qu'on pourrait généraliser au décrochage, à l'orientation? Tu parlais d'accompagnement et de temps. Est-ce que pour vous tous, hein, la question à tout le monde, ce serait ces deux piliers-là qui permettraient de faire avancer? On parlait en dernier du décrochage, par exemple. Julie? Ça semble quand même assez important et ça porte ses fruits aussi à un moment donné. Alors, je ne dis pas que tous les cas vont se résoudre comme ça. On a des problématiques particulières sur les questions de décrochage et on ne peut pas en résoudre. On résout tout par ces questions-là. Ceci étant, dans ce qu'on constate dans les accompagnements qu'il peut y avoir, il y a plein de dispositifs où ce n'est pas tant le dispositif en lui-même qui compte, c'est plutôt l'accompagnement qu'il peut y avoir. Je pense notamment sur notre thématique à la question des campus connectés. Les campus connectés, ce qui est mis en avant par les gens qui font ces campus connectés-là, ce qui les intéresse, c'est l'accompagnement très individualisé qu'il peut y avoir justement dans la mise en route du dispositif et ce qu'il peut y avoir. Et dans les parcours de formation à distance, par exemple, ce qui importe et ce qui va faire qu'à un moment donné, on va s'accrocher, c'est l'accompagnement qu'il peut y avoir. Preuve en est, on voit fleurir des dispositifs en ruralité où finalement on a des entreprises qui ont très bien compris que la question des petits effectifs et de l'accompagnement individualisé pouvait vraiment porter ses fruits et répondait à un besoin qu'il peut y avoir. Donc à un moment donné, c'est de se dire comment on fait collectivement pour pouvoir donner cet accompagnement-là aux jeunes qui en ont besoin et qui, pour le coup, oui, ça va nécessiter du temps, mais c'est du temps qui va être gagné, enfin qui va permettre de gagner aussi énormément de choses pour les jeunes et pour les équipes. Merci beaucoup, Clément. Je vais faire une réponse de sociologue qui est pas satisfaisant parce que quand on nous pose des questions sur comment faire en général, soit on dit que c'est la faute des structures, soit on a des réponses qui coûtent quelques milliards. Mais en tout cas, je crois qu'il y a deux points qui sont importants. Prendre en compte les caractéristiques à un niveau micro des territoires ruraux, que ce soit dans des politiques publiques qui puissent être adaptées et notamment en engageant la recherche d'autant plus sur ces travaux qui commencent à se développer, heureusement, depuis maintenant une petite dizaine d'années sur les territoires ruraux. Après, de manière générale, je pense qu'il y a aussi un besoin de questionner d'autres éléments sur le décrochage scolaire, par exemple, se rendre compte que le décrochage scolaire est une problématique aujourd'hui parce que le marché de l'emploi n'arrive plus à répondre, et se rendre compte que là où on pointe le doigt, c'est-à-dire par exemple sur le décrochage, l'absence de diplôme, en réalité c'est parce qu'aujourd'hui le marché de l'emploi est plus capable d'absorber les jeunes que l'on forme en partie. Donc voilà, je pense qu'il y a un besoin d'apporter des réponses concrètes, et ça, c'est pas avec des coupures budgétaires malheureusement qu'on peut réussir à le faire, parce que derrière la question de temps et de l'investissement, hein, c'est des questions concrètes qui sont des questions financières derrière. Et ensuite, toujours questionner, je pense, nos rapports à ces phénomènes, nos rapports à l'école, au désengagement des jeunes, à la question de la santé mentale, de manière plus peut-être plus large aussi, que ce soit dans ces territoires ruraux ou dans des territoires urbains, et ne pas les penser comme des opposés, mais comme finalement une sorte de spectre au sein des territoires diffus sur l'ensemble de la France. Et Merci beaucoup, Nathalie. Oui, sur la question de l'accompagnement et du temps, mais moi j'aime beaucoup ces deux notions-là. Je suis très sensible à ça. Alors l'accompagnement, on en a plein, hein. On a la chance de bosser avec des gens qui sont tous très engagés, qui sont en général justement sur des métiers passion, là, pour le coup. Et le temps, pour moi, c'est un peu la clé du problème. Enfin, du problème, mais aussi de la solution. C'est-à-dire que on a ce temps scolaire, hein, avec les échéances, les examens, la pression. Vite, vite, t'as plus le temps, t'as plus le temps. Les réorientations, c'est en début d'année. Et en fait, moi, de plus en plus, là, avec les années passant, je viens questionner aussi ce rapport au temps. Et c'est-à-dire, ben, le jeune, ça a été dit, hein, il est en construction, il n'est pas fini, il est en train de se construire en tant qu'adulte. Qui suis-je? Dans quelle étagère? La bascule de l'école primaire au collège, on a bien vu, hein, ça a été évoqué, cette question du désamour vers l'école, qui renvoie quelque chose aussi de l'ordre de bon, bah alors là, attention, on arrive au collège, c'est sérieux, quoi. Il y a des examens, il va falloir faire des choix, il y a des. Voilà, il y a des croisements là qu'il va pas falloir rater, etc. Donc il y a aussi une énorme pression. Et moi, je pense qu'une des réponses justement à la prévention du décrochage, c'est aussi essayer de construire ces parcours là, laisser du temps aux jeunes pour réfléchir, pour respirer, et pas tout de suite le piège dans lequel on peut avoir tendance à tomber, et je me l'applique à moi-même en premier, bien sûr. C'est aussi, bon, tu te sens pas à ta place, est-ce que tu veux qu'on travaille une réorientation? Mais en fait, il n'y a pas d'urgence. L'urgence, c'est, voilà, restaurer du lien, donner du temps, le temps de construire, je reviens sur l'accompagnement, mais le temps de construire une relation de confiance avec des référents adultes qui sont passionnés, passionnants, qui tendent la main, etc. Ce temps-là, il est essentiel. Et pour moi, au final, l'échéance de la réorientation, l'orientation ou réorientation, il doit absolument passer au second plan, avec en priorité, justement, l'élaboration de ce lien, cultiver ce lien avec ce jeune qui se construit, qui prendra peut-être pas la main qu'on lui tend la première fois, mais qui la prendra peut-être à la deuxième, à la troisième ou à la quatrième fois. Et je crois que pour moi, c'est vraiment quelque chose de central, qu'on leur laisse aussi le temps de se construire, de grandir, de se planter, et qu'après tout, ça, c'est pas si grave, et que nous, on reste là, et que si on garde le lien au centre, à mon avis, on avance dans la bonne direction. Eh bien, merci beaucoup pour cette belle conclusion et merci beaucoup à tous pour ce bel épisode, et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée.